truc. Ouais, j'ai perdu la main sur ce truc. Ah ouais. Oh, yeah. Ça marche toujours. Je me rappelle le loop. Pourquoi j'ai la reverb par contre là ? Attends. Ah, pourquoi j'ai un son comme ça ? Je suis en mono là. Ah ouais, mono stéréo. Ah ça y est, je suis en stéréo, voilà. Salut Massimo. Ouais, ça marche. Ça marche, hein, toi ? Ah, c'est des boucles, ouais, c'est ça. Ok, fais-moi un truc alors. Je vais faire un truc. Faut appuyer sur retour, sinon ça marche pas.